Novembre est le mois du vendredi fou chez Dolbo Auto. Obtenez jusqu'à 9 000 $ en valeur totale sur les modèles 2018. De plus, bénéficiez d'un rabais de 1 000 $ sur le vendredi fou de Dolbo Auto au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo, Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0570. Monsieur Stéphane Fortin vous rappelle que d'acheter localement pour soutenir notre économie. Alex Labbé a été le deuxième Québécois à courir cette année en Monster Energy. Le premier, c'était Mario Gosselin qui l'avait fait en 2010. Et c'était une très, très belle année pour Alex Labbé. Il a terminé régulièrement ses courses. On lui parle. Salut, Alex. Salut, Denis. Ça va? Ça va bien. Alex, dis-moi, moi, ce que j'ai vu, c'était vraiment intéressant, là. Vous n'êtes pas une grosse écurie, pas beaucoup d'argent. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre en course automobile, malheureusement. Puis déjà, d'avoir terminé la plupart des courses, c'est déjà bon, là. Oh oui, c'est sûr qu'on a des ressources assez limitées, mais je pense qu'on a une saison assez solide. On a terminé 17e au championnat des pilotes, puis 20e au championnat des propriétaires sur, je pense, c'est 58 ou 60 entrées. Ben, je pense qu'on a quand même eu une bonne année. Tu sais, comme tu dis, c'est pas évident de se battre contre des grosses équipes qui ont des budgets illimités puis qui ils comptent pas les dépenses, mais ça a été une bonne saison d'apprentissage. C'était ma première saison à temps plein en NASCAR aux États-Unis sur des pistes de 1 000 $ et plus. Puis là, ça va te donner 150 000 à l'écurie, c'est ça? Oui, environ, c'est dans ces environs-là. À partir de la 20e, si on aurait terminé 22e, c'est zéro. C'est vraiment la cut line qu'ils appellent, c'est vraiment le top 20. Mais on a terminé des deux championnats dans le top 20, donc on va avoir des petits bonnets de fin de saison. 150 000, c'est des pinottes. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'ensemble, c'est bon pour une course. Tu fais quoi avec 150 000 en NASCAR Monster Energy? Tu n'as pas fait grand-chose? Oui, non, en NASCAR Xfinity, c'est... Mais c'est ça, c'est les équipes de points, c'est environ ça, leur budget, 150 à 175 000, donc c'est sûr que ça se dépend assez vite. Mais tu sais, pour nous autres, je pense qu'on va pas mal plus éclairer toutes nos dettes, parce que c'est une longue saison, puis à la fin de la saison, on devait encore de l'argent un peu à nos fournisseurs de pneus, les fournisseurs de moteurs, nos fournisseurs de body, ces affaires-là, donc ça va nous aider à éclairer nos dettes, peut-être bon pour partir l'année prochaine. Okay. C'est sûr que... C'est sûr qu'on va le prendre, ça va nous aider bien gros. Tu étais à Pinty's l'année passée. La plus grosse différence entre la Pinty's et le Monster Energy, c'est beaucoup plus compétitif, j'imagine. Mais côté préparation, côté ajustement, c'est quoi la plus grosse différence? J'imagine qu'il faut que tu fasses plus d'essais, tu connais mieux ta voiture, tu connais mieux les circuits? Oui, les types de circuits, c'est sûr. C'est des circuits de... Le plus grand circuit en Pinty, c'est environ 3/4 à 7/8 de mille. Puis en Xfinity, ça l'équivaut au plus petit circuit de l'année. Tu sais, on compte sur des pistes d'un mille, 1 000 et demi, 2 000, 2 000 et demi. Fait que c'est des circuits beaucoup plus rapides. C'est une approche un peu différente pour un pilote et pour les ajustements de la voiture. Mais je pense que c'est surtout l'aspect aérodynamique, la manière qu'on conduit les voitures à l'entour des autres voitures. On est vraiment dépendant d'eux autres, ils font bouger l'air à l'entour de notre voiture. Il faut vraiment prendre ça en considération, à comparer en série Pinty du concours des courtes pistes, des short tracks qu'on appelle. On prend pas vraiment ça en considération. Bon, c'est plus, comme on dirait, l'adhérence mécanique. C'est vraiment, on essaie d'aller plus rapide avec notre voiture. Puis on n'a pas vraiment à prendre en considération des voitures autour de nous. OK. Dis-moi, justement, l'an prochain, tu vas être à ta... Si jamais tu cours, tu vas être à ta deuxième année. Le fait de connaître les circuits, le fait de connaître un peu la mécanique, un petit peu moins nerveux aussi, plus confiant, j'imagine que si tu reviens, tu vas être quand même... faut s'attendre encore à des meilleurs résultats où les moyens sont tellement limités que si tu es allé chercher le maximum de la voiture... Non, c'est sûr que on pourrait s'améliorer un petit peu. C'est sûr qu'on veut optimalement, il faudrait avoir un petit peu plus de ressources, un peu plus d'argent pour aller acheter des morceaux qu'on n'était pas capable d'acheter cette année. Mais c'est sûr que même si on reviendrait avec les mêmes ressources que cette année, c'est sûr qu'on s'améliorerait un petit peu. Je dis pas 4-5 positions, mais on a à peu près peut-être même une à deux positions au total de la saison. C'est vraiment dur aller se mêler à l'autre groupe de voitures en avant de nous qui ont des budgets 8 à 10 fois plus grands que d'autres. Mais non, c'est sûr que ça m'aiderait quand même. Je veux dire, d'avoir couru tous les types de circuits puis d'avoir je serais pas mal plus à l'aise dans les voitures quand on revenait une deuxième saison puis être pas mal moins alinéaire. Ça fait deux, trois fois que tu parles de que les équipes ont des écuries beaucoup avec un budget limité pratiquement. T'es sûr, t'as Penske, t'as Joe Gibbs Racing et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on parle d'un plafond salarial, de partage des revenus? Est-ce que c'est possible? Parce que dans les autres sports professionnels, il y en parle. Il est déjà là, le partage des revenus. Est-ce que, entre écuries, est-ce que c'est possible éventuellement? Ça serait dur de contrôler ça, c'est vraiment la préparation des voitures. Je veux dire, les grosses équipes ils ont tellement d'équipements là, pour se préparer avant une course. Ils font de la simulation avec leurs voitures. Ils ont des programmes de simulation. Ils ont comme 3-4 programmes de simulation différents qui mettent les voitures dessus. Ils appellent ça des shake down rig. Dans le fond, ça fait bouger la voiture comme ça serait sur la piste. Puis nous autres, on peut pas se permettre d'avoir ça, d'aller en souffler toutes les semaines. C'est tous ces aspects-là qui ont plus que nous autres, mais ça serait dur. Je sais pas s'il y aurait une manière qu'un NASCAR pourrait contrôler les dépenses c'est quand même très touché, comme on dirait. Je veux dire, un autre sport professionnel, c'est vraiment les salaires directement aux joueurs. C'est un bon joueur, tu le payes plus cher, c'est un moins bon joueur, tu le payes moins cher. C'est un petit peu plus facile à contrôler que nous, tu sais, de vraiment contrôler l'équipement disponibilité des équipes. OK. Dis-moi, Alex, t'estimes à combien des chances que tu cours l'an prochain? 50-50 au moment où on se parle? Ouais, je serais pas mal 50-50. Encore, on a quelques options sur la table, mais ça c'est de savoir c'est quelle la meilleure pour nous. On veut tout le temps s'améliorer, on veut tout le temps prendre un step, on veut pas retourner l'année prochaine puis rétrograder. Mais je pense qu'on ça serait ça c'est ça qu'on prendrait à regarder, voir si on est capable d'aller là puis à reprendre un autre step qu'on s'en est dans la bonne direction. C'est sûr que c'est dur pour un pilote comme moi d'aller là puis me battre pour une 20e position toutes les semaines puis me faire prendre un tour sur des runs de 50-60 tours, mais c'est la réalité des choses. Quand on a les budgets qu'on a, c'est ça l'autre part. C'est comme tu dis, c'est un petit peu rough sur moi parce que j'ai tout le temps couru des victoires. Ça doit faire 8-10 ans que je cours en stocker, puis à toutes les titres, mes saisons, je courais pour un championnat, mais là c'est une autre réalité, mais en même temps j'ai pas le choix, c'est un petit coup à donner, c'est ça. Si je veux passer l'autre bord, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais okay. Juste de voir, comme je dis, trouver la meilleure compromis, la meilleure option pour nous autres, c'est ça qu'on est en train de négocier. Il y a beaucoup, il y a une question qui est d'un auditeur aussi qui demande est-ce que tu aimerais courir en camionnette? Parce que l'an prochain, semble-t-il qu'on va avoir des moteurs, les équipes vont être plus égales. Est-ce que la camionnette est une possibilité? Oui, c'est sûr que ça pourrait être une possibilité, mais c'est que ça se conduit vraiment différemment. C'est pas comment je dirais, c'est des camionnettes, c'est une série qui ont beaucoup de. Ils ont beaucoup d'appui, ils ont beaucoup de downforce qui sont c'est des courses vraiment basées sur le momentum. Tu sais, les pilotes, ils lèvent quasiment pas l'accélérateur. C'est un autre sort de conduite, c'est un petit peu moins technique, un petit peu plus en paquet. C'est sûr que ça pourrait être une option. C'est sûr que si j'ai pas le choix, puis je pourrais aller là pour être compétitif, c'est sûr que ça serait mieux pour moi d'aller en camionnette et gagner les courses, mais c'est d'avoir la bonne option. Les volants des équipes de pointe, c'est encore des budgets qui sont hors de notre portée avec les ressources qu'on a présentement. Mais ça, c'est sûr que c'est, comme je dis, c'est une option, mais je pense que en tant que pilote, je pense que c'est mieux de revenir à Xfinity où j'ai couru tous les circuits puis où que je connais beaucoup mieux les voitures. Ça se rapproche beaucoup plus d'un NASCAR Monster Energy, ce qui est vraiment le but ultime. OK. Alex, pourquoi que on néglige les médias? Tu cours dans la deuxième série la plus importante de aux États-Unis. Même, je pense que Infinity, vous avez dépassé l'IndyCar. Puis personne n'a parlé de toi cette année, y compris moi, là. Mais ça se fait que. Ouais. Est-ce que. J'en parlais avec Patrick Carpentier hier. Puis est-ce que le NASCAR est snobé par le monde parce que c'est redneck un peu, puis ainsi de suite? Ah, c'est sûr. C'est sûr que c'est vraiment gros aux États-Unis. C'est sûr qu'au Québec et au Canada, ça a tout le temps été beaucoup moins connu. Mais c'est sûr que ça m'intéresse. Si je serais capable de. RDS, je pense qu'ils ont couvert environ 25 à 30 des courses Xfinity. C'est quand même un petit coup de main pour nous autres, mais c'est sûr que ça m'aiderait beaucoup si je serais capable d'aller me battre en avant, d'aller me battre dans le top 5, top 10 à toutes les semaines. C'est sûr que je pense que c'est sûr qu'on parlerait plus de moi, mais là, on fait du mieux que ce qu'on. C'est ça qu'on a pour cette saison, mais c'est sûr que je pense que c'est sûr qu'on s'en serait capable de se battre plus à l'avant. C'est sûr que l'intérêt du public et l'intérêt des Québécois et des Canadiens serait un petit peu plus ça, c'est certain. Ben, TSN est là tout le temps. Fait que les courses TSN est là toutes les semaines, ouais. Dis-moi, Alex, je parlais avec Patrick Carpentier. Hier, le NASCAR s'en va vraiment. Là. Il y a eu une grosse baisse de cote d'écoute, grosse baisse d'assistance. Là, je te parle de l'Infinity. Je te parle pas d'énergie. Mais je te parle de Monster Energy. Je te parle pas d'Infinity. Là, mais j'imagine que ça a un lien directement avec l'Infinity également. Est-ce que tu l'as. Ben, c'est sûr que c'est ta première année, mais est-ce que tu l'as senti la baisse de popularité du NASCAR aux États-Unis? Oui, c'est sûr que ça se voit. Je pense que ça a plus rapport avec les tendances aux pistes. Que les codes d'écoute sont quand même assez solides si tu compares ça aux autres sports professionnels alentour de nous autres. Oui, ça l'a baissé un petit peu, mais je pense que tu recules de 4-5 ans, c'était vraiment extraordinaire les codes d'écoute qu'on avait aux autres sports, mais c'est encore très raisonnable, mais c'est sûr que dans ce cas, ils s'en rendent compte aussi, ils essaient de faire des changements, ils essaient de changer leur formule un peu. Ils font des courses avec des stages, qui font qu'il y a un peu plus d'action pendant les courses, mais je pense que c'est sûr que NASCAR, ils ont leur goût à faire, mais c'est un peu aussi le. C'est trop long, les courses. Les courses de 4 heures, puis je parlais avec Patrick, c'est trop long, 4 heures. Ça devrait être 2h30 maximum 2h30. Tu t'assises devant une course de 4 heures, c'est très long. Ouais, ouais. Ça devrait être 2 heures. Ramener ça à 2h30 maximum. Quand tu dis que la Formule 1, c'est 1h40, 1h45, l'Indycar, la même affaire. NASCAR, je comprends que NASCAR c'est plus long, ça va moins vite un peu, mais ça devrait être 2h30 maximum. Bon, non, c'est sûr, je pense que c'est ça. Je pense que ça va dans cette direction-là aussi, tu sais, ils font des gros changements même dans la direction de NASCAR, ils le ressentent, mais c'est de trouver un compromis. C'est des fois, on fait des changements, mais ceux qui étaient là, ceux qui suivent NASCAR depuis 25-30 ans, eux, ils n'aiment pas ça. C'est tout le temps de faire un compromis, mais c'est sûr que. Je pense que NASCAR sont bien conscients de ça et essaient de faire des changements propices pour amener surtout la plus jeune clientèle. C'est ça, c'est ce public-là qui veulent amener aux courses. OK. Alex, il me reste deux, trois questions que je veux te parler. Que le monde environ les courses Infinity, quoi? 30-35 000 par course à peu près? Oui, ben dans les estrades, on est environ 25 et 40 000 par course gratuite. En moyenne, ça doit être tendu, ça. Mettons, on met une moyenne de 30 à 35 000, comme tu dis, c'est pas mal exact. OK. Autre question. Est-ce que tu penses qu'un jour, là, ça va paraître un peu bizarre parce que tu vas te battre pour courir en Infinity. Quelques courses en Monster Energy sur circuit routier, parce que Tagliani est allé sur circuit routier éventuellement. Mario Gosselin a même couru, je pense, en circuit routier. Est-ce que ça, c'est une possibilité? Rob Fellows a fait sa carrière en circuit routier aussi. Oui. Est-ce que c'est une possibilité? C'est sûr que si l'opportunité. Ouais, c'est sûr que s'il y a une équipe de pointe qui m'appelle cet hiver et qui veulent que je conduise leur voiture sur le circuit routier pour gagner des courses, c'est sûr que ça serait dur de dire non, mais en même temps, en tant que Québécois, on veut pas. Les Canadiens, on se fait étiqueter un peu souvent. Ouais. En road racer, mais j'ai quand même fait mes preuves en aval que je peux être assez solide, mais ça serait de quoi encore, comme je te dis, ça serait de quoi savoir si ça serait bon pour moi ou pas, mais je pense que ça serait dur de ratifier, mettons, qu'une équipe de pointe comme Junior Motorsport, Penske ou Joe Gibbs qui m'appellerait pour que je conduise une voiture en circuit aussi, puis pour gagner une course, ça serait dur à refuser. OK. Ben Alex, félicitations quand même, t'as une bonne année. Ce que j'ai regardé d'un œil, t'étais toujours dans le milieu peloton, puis je sais que c'est pas facile avec les peu de moyens que t'as. Félicitations pour ton année, puis on va se reparler en début de saison prochaine si tu cours encore en Infinity. Excellent. Un gros merci. Alex Labbé, notre pilote automobile.